1. Introduction à l'aura spirituelle. Dans le domaine de la spiritualité, le concept de l'aura spirituelle tient une place importante. L'aura spirituelle est considérée comme un champ d'énergie qui entoure et encapsule un individu, rayonnant vers l'extérieur et reflétant son état intérieur et son essence spirituelle. On dit que cette aura éthérée contient une mine d'informations, révélant un aperçu de son bien-être émotionnel, mental et spirituel. Comprendre et exploiter le pouvoir de l'aura spirituelle peut approfondir nos pratiques spirituelles, améliorer nos liens avec les autres et favoriser la croissance personnelle et la guérison. Dans cet article, nous allons plonger dans la nature de l'aura spirituelle, explorer ses qualités et caractéristiques, discuter des techniques pour la sentir et la percevoir, et examiner sa signification dans les pratiques spirituelles. 1.1. Qu'est-ce que l'aura spirituelle ? Imaginez que vous êtes à une fête et que vous rencontrez quelqu'un qui vous donne instantanément de bonnes vibrations. Vous pourriez dire, waouh, ils ont une telle énergie positive à leur sujet. Eh bien, c'est l'aura spirituelle en action. L'aura spirituelle est le champ d'énergie subtil qui entoure et émane de chaque être vivant. C'est comme l'empreinte énergétique de votre âme, et cela peut révéler beaucoup de choses sur votre état d'être intérieur. 1.2. Perspectives historiques et culturelles sur l'aura spirituelle. Le concept de l'aura spirituelle a été présent dans diverses cultures à travers l'histoire. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, on croyait que l'aura représentait la divinité d'une personne et était représentée comme un halo rayonnant autour des divinités et des pharaons. Dans l'hindouisme, l'aura est appelée pranamaya kosha et est considérée comme la force vitale qui relie le corps physique au domaine spirituel. Ces perspectives mettent en évidence l'importance de l'aura spirituelle dans la compréhension des aspects les plus profonds de notre existence. 2. Comprendre le concept d'énergie spirituelle. 2.1. Le lien entre énergie et spiritualité. Maintenant, parlons un peu d'énergie. Dans la spiritualité, l'énergie n'est pas seulement ce qui alimente votre machine à expresso ou qui fait que la batterie de votre téléphone se décharge rapidement et ennuyeusement. C'est la force vitale qui anime tout dans l'univers, y compris vous et moi. Lorsque nous parlons d'énergie spirituelle, nous faisons référence à la force subtile qui traverse nos corps et nos esprits, nous connectant à la plus grande énergie cosmique. 2.2. Différencier énergie physique et énergie spirituelle. L'énergie physique est tout au sujet de cette attitude de faire avancer les choses, vous savez, l'énergie qui vous permet de continuer toute la journée, alimentée par la caféine et la volonté pure. L'énergie spirituelle, d'autre part, ressemble plus à l'énergie scintillante et mystique qui élève votre conscience et vous connecte au divin. C'est comme votre propre baguette magique personnelle, mais au lieu de transformer des citrouilles en voiture, cela vous aide à puiser dans votre vrai moi et les possibilités infinies de l'univers. 3. Explorer les qualités et les caractéristiques de l'aura spirituelle. 3.1. Les couleurs et les vibrations de l'aura spirituelle. Si l'aura spirituelle avait un compte Instagram, ce serait le flux le plus coloré de tous les temps. On pense que l'aura contient un spectre de couleurs, chacune représentant différents aspects du bien-être physique, émotionnel et spirituel d'une personne. Par exemple, une aura jaune vif pourrait indiquer un individu joyeux et créatif, tandis qu'une aura bleu foncé pourrait suggérer une nature calme et intuitive, alors qu'une aura rouge pourrait représenter la colère, etc. Ces couleurs, ainsi que les vibrations qu'elles émettent, nous donnent un aperçu du paysage intérieur d'une personne. 3.2. Couche et dimension de l'aura spirituelle. Tout comme un gâteau délicieusement étagé, l'aura spirituelle a différents niveaux, ou couches, qui représentent divers aspects de notre existence. Ces couches, souvent appelées corps auriques, s'étendent au-delà de notre corps physique et englobent nos états mentaux, émotionnels et spirituels. Certains pensent que l'aura s'étend également dans différentes dimensions, nous connectant à des domaines de conscience supérieurs. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez un peu plus, n'oubliez pas que c'est votre aura qui dévoile ses nombreuses dimensions. 4. Techniques pour sentir et percevoir l'aura spirituelle. 4.1. Développer l'intuition et la sensibilité pour la perception de l'aura. Vous n'avez pas besoin d'être un gourou mystique ou d'avoir des super pouvoirs pour ressentir l'aura spirituelle. Il s'agit d'aiguiser votre intuition et de devenir plus à l'écoute des énergies subtiles. La méditation, les pratiques de pleine conscience et passer du temps dans la nature peuvent vous aider à développer un plus grand sens de la conscience intérieure et de la sensibilité aux énergies qui vous entourent. Alors, faites confiance à votre instinct. Embrassez votre Jedi intérieur et laissez les aventures de l'aura commencer. 4.2. Outils et pratiques pour la détection et l'interprétation de l'aura.